les feuilles de palmier, contemplant ses souliers troués. Et dans une grande verrière, je verrai passer les hivers à l'abri des tempêtes et des guerres. Je veux ronfler dans du cosy à grand-mère. J'ai écrémé les vinyles de la Louisiane à Belleville, écumé les accords de Jasmine aux mains d'or. J'ai dormi le jour et j'ai vécu la nuit, mais je n'ai toujours pas compris si je viens de là-bas ou d'ici. Car j'ai écrémé les vinyles de la Louisiane à Belleville, écumé les accords de Jasmine aux mains d'or. J'ai dormi le jour et j'ai vécu la nuit, mais je n'ai toujours pas compris si je viens de là-bas ou d'ici. Mes années folles, je ne veux plus rien négocier. Je veux perdre mes billes dans des verres rayés et pas perdre la boule comme ces buveurs partis chercher, abandonnant leurs verres pour du bonheur en billets. Je veux dormir sous des bougainvilliers et donner du sens à ces lianes et ces perroquets, avec de la piscine enroulée sur les pieds et un courant d'air pour me servir d'oreiller. Écouter la pluie sur les carreaux avec une grande bouteille de Bordeaux et une cave à vin d'Andes qui ferait bander Rabelais dans son caveau. Écrémer les vinyles de la Louisiane à Belleville, écumer les accords de Jasmine aux mains d'or. J'ai dormi le jour et j'ai vécu la nuit, mais je n'ai toujours pas compris si je viens de là-bas ou d'ici. Car j'ai écrémé les vinyles de la Louisiane à Belleville, écumer les accords de Jasmine aux mains d'or. J'ai dormi le jour et j'ai vécu la nuit, mais je n'ai toujours pas compris si je viens de là-bas ou d'ici. Là-bas ou d'ici, de là-bas ou d'ici, de là-bas ou d'ici. Non, non, je glisse sans raison. Je raconte des histoires quand j'ai le swing d'un pantalon. C'est pas la même époque où je me suis planté de saison. C'est plus les mêmes manières, on va pas en faire un roman. J'ai les vinyles de rack qui grattent la glotte, et j'ai le stomp qui monte dans mes bottes. Bouteille de grave qui tombe dans la roulotte. Je chante pour un